Je suis la dame dans le noir. Je vous évite, je vous suis. Je vous allonge sur ma page vierge, en caressant de mon crayon l'encre rougie, et mes doigts chauffent la plume. Des nuits de moins en trop, vous frôlant d'adjectifs superlatifs. La peau du verbe frémit et le sujet s'accorde à mes pensées plurielles. Un homme passe. Une femme en robe rouge pense. L'homme ne sait pas que la femme en rouge l'a amenée sous sa robe. La fille en rouge sait pourquoi elle a ôté ses dessous. Un ange passe. Un lieu public des gens. Chut. L'homme frôle la femme. Frôle. L'homme ne sait pas que ce frôlement durera. La femme sait combien de temps durera ce frôlement. Le temps de s'endormir. Caressant de mon crayon, l'encre rougie et les doigts chauffés.